surtout aussi, donc, c'est les livres des égarés, en fait. Oui. Donc, on va sur Pour enregistrer, je mets mode avion pour pas recevoir des appels. le... Ouais, tu mets mode avion, c'est mieux. D'accord. Et après, j'enregistrerai le cours. On va faire sur l'ami Chaben. Oui, on va faire sur l'ami Charben, comme Ah, c'est c'était bien, bientôt. machin. Oui, j'ai reçu en plus j'ai regardé ce que vous m'avez envoyé un peu. Donc, alors, je vais trouver sur l'ami Charben. Dictaphone, enregistreur. Dictaphone, c'est ça. Ah, il enregistre, il n'y a pas besoin d'audio hein, pour enregistrer. Il n'y a pas besoin d'augmenter l'audio pour Ah, enregistrer. il n'y a pas besoin d'augmenter. Non, non. D'accord. C'est différent. L'audio, c'est pour le haut-parleur. Alors, je vais démarrer. 1, 2, 3. Enregistrer. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد طاهر الأمين. Donc, alors, le 15 Charben, ça sera le samedi 20, Inch'Allah. Et donc, ah oui, c'est le samedi 20, Inch'Allah. Donc, alors, c'est sunna de jeûner ce jour et de faire de prières sur oratoire la nuit. C'est recommandé. Alors ça commence pas, pardon. J'ai un problème avec mon enregistrement. Moi j'enregistre, en fait, je t'en dirai. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. J'ai du mal à enregistrer. Donc, on a dit que ce sera le samedi 20. Donc, ça veut dire le vendredi au soir, c'est sunna de faire des prières sur oratoire. Donc, ça veut dire que la personne peut faire se réveiller, on va dire 1 heure avant l'aube. Et comme ça, elle fera un sahur. C'est recommandé aussi de prendre sahur, en fait. C'est ce qu'on prend, en fait, même un peu léger. Donc, ça, c'est de toute façon pour le jeûne. De toute manière, c'est recommandé. Ça aide à jeûner, en fait. Le fait de prendre le sahur et de le retarder vers la fin de la nuit. Ça aide vraiment à jeûner, surtout des choses riches en eau, en fait, ça aide à tenir la journée. Donc, et des prières, donc on peut faire autant de rak'a qu'on veut, en fait, deux par deux. Donc, de jeûner, donc on met l'intention la veille. Donc, ce jour-là, on jeûne. Parce que après la moitié, on peut pas jeûner sans raison, comme ça. Sauf si quelqu'un, le prophète, il a interdit de jeûner la deuxième moitié, si on n'a pas jeûné le 15. S'il a jeûné le 15, il peut enchaîner. Et s'il a des rattrapages, il doit aussi. D'accord? Ou s'il a une habitude. Comme s'il avait l'habitude de jeûner tous les lundis, jeudi, par exemple. Il peut. Là, il peut faire. Mais il peut pas comme ça, sans raison, jeûner la moitié du 15 s'il n'a pas jeûné le 15. Donc ça, c'est dans les règles du jeûne. Et donc, Et donc, il y a le hadith, alors. Il a dit le prophète, alayhi salam, « Iza kanat laylatu nisf min sha'ban, faqoumu laylaha wa soumou naharaha. » Rapporté par Ibn Hibban. Lorsque c'est la nuit de la Mi-Sha'ban, accomplissez des actes de surrogatoire pendant la nuit, faites le jeûne pendant la journée. Donc, bien sûr,